Eh bien, par cette célébration des rameaux, nous entrons par le grand portail du dimanche des rameaux dans la célébration de la Semaine Sainte qui va nous faire revivre les mystères essentiels de notre vie chrétienne, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. La liturgie met ensemble à la fois le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem et la passion pour comme dessiner le tableau que nous allons contempler. Jésus entre à Jérusalem dans une atmosphère de fête. Ceux qui l'avaient suivi en Galilée, en Judée, avaient vu ses miracles, avaient entendu sa prédication bouleversante et puissante. Eh bien, sont au sommet de la joie. Voici le Messie, le fils de David, celui qui amène le royaume de Dieu. Cette foule qui vient sans doute d'un peu partout en Israël n'est pas celle de Jérusalem. Le texte nous dit que les gens étaient surpris. Qui est cet homme qui entre sur un âne qui n'est pas tellement d'ailleurs un signe d'humilité, mais une monture royale. Le roi David lui-même en avait monté un. Mais se demande qui est ce nouveau roi qui fait effraction dans la ville. Et puis, nous avons entendu le récit de la passion qui prépare notre cœur, notre esprit à vivre la mort et la résurrection du Christ. Pourquoi ces deux textes juxtaposés? Parce que Jésus lui-même entre à Jérusalem en sachant qu'il va vivre sa passion. Alors il y a comme un paradoxe. Il accepte d'être acclamé comme un roi populaire et en même temps, il sait qu'il sera humilié et rejeté. Eh bien, frères et sœurs, cette entrée à Jérusalem a une portée bien au-delà de l'histoire. Ce n'est pas un échec qui va suivre son entrée triomphale, mais cette procession des rameaux annonce l'ouverture d'un nouveau destin pour l'humanité. C'est la Jérusalem céleste, en fait, qui est prophétiquement annoncée par l'entrée de Jésus dans la Jérusalem d'en bas. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de myriades d'anges réunis, en fait, de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. » Vous vous êtes approché de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur, plus éloquent que celui d'Abel. Donc, pendant ce temps de carême, nous avons réfléchi à vivre et mourir dans le Christ, puisque dit Paul, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et au-delà de cette mort, donc, une assemblée de saints nous attend. Nous sommes désirés par les martyrs, les confesseurs, les moines, les ascètes, les hommes et les femmes qui tout au long de leur vie ont été fidèles au Christ et qui brillent maintenant dans le ciel comme des astres dans le royaume de leur Père. Jésus nous annonce donc une Église nouvelle et éternelle, celle dont nous sommes les prémices. Aujourd'hui, dans cette église, dans ce lieu de culte, et dont tous les rassemblements aujourd'hui dans l'univers sont le signe. Ce n'est que l'anticipation de ce que sera notre vie éternelle, où nous louerons l'agneau de Dieu, lui qui s'est immolé pour nos péchés, mais qui est ressuscité et qui nous entraîne avec lui dans la vie. Donc, malgré cette atmosphère de drame, frères et sœurs, il y a une joie profonde qui nous habite au début de cette semaine sainte, car le Christ va nous mener à la victoire et nous ouvre les portes de la vie. Alors continuons pendant cette semaine de vivre nos petits sacrifices, nos petits renoncements, mais surtout à chercher ce silence ou ces temps où nous pouvons entendre la parole de Dieu, nous unir à Jésus, ces temps où nous cherchons une vie simple et essentielle afin d'être plus vulnérables à la grâce qui nous sera donnée dans les jours qui viennent. Amen.